Bonjour mon chéri, c'est moi. Je te dérange ? Oh non, pas du tout, au contraire. Ça va ? Oui, très bien. Et toi, tu as passé une bonne journée ? Oui, pas mauvaise. J'ai passé la journée en réunion. J'ai aussi trouvé de nouveaux clients, alors je suis content. Tu as dîné ? Oui, j'ai dîné. Qu'est-ce que tu as mangé ? J'ai mangé simplement une tranche de jambon, un morceau de fromage et une banane. Tu vois, c'est simple. Je n'ai pas préparé de vrai dîner. Tu as regardé les infos à la télé ? Non, je n'ai pas regardé la télé, mais j'ai écouté les nouvelles à la radio, comme tous les jours. Tout va mal. Et toi, ça va ? Tu as passé une bonne journée ? Oui, très bonne. J'ai travaillé à la bibliothèque et puis j'ai déjeuné avec Solène. Nous avons parlé assez longtemps. Tu sais qu'elle a décidé de partir en Chine ? En Chine ? Ça alors ? Eh bien oui. Elle m'a expliqué tous ses projets pendant le déjeuner. Nous avons déjeuné dans un petit restaurant chinois, justement, à côté de la bibliothèque. Tu sais, elle a commencé à apprendre le chinois. Cette Solène, elle est incroyable. Quand elle a décidé quelque chose... Alors, vous avez parlé chinois ensemble ? Oui, bien sûr. Tiens, je change de sujet. J'ai invité Sandrine et Léon à dîner. Ah oui ? Ils ont accepté ? Bien sûr. J'ai téléphoné à Sandrine ce matin et j'ai proposé une date. Samedi 17, ça te va ? Samedi ? Oui, très bien.